que aussi notre frère partageait cela. Une image qui nous donne l'apôtre Pierre et Jean, qui à un moment donné sont sortis du Sanhédrin, du Conseil des Juifs. Et ils étaient heureux et joyeux d'être battus. C'est une image qui est folle, mais ils étaient heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pu annoncer la parole et ils avaient pu sortir aussi avec comme une récompense de la part de Dieu, en disant ben, même si il y a ces épreuves qui sont là, il y a toujours l'occasion de partager la parole. Amen. Et donc dans nos épreuves, Dieu est là. Et j'aimerais en partager ce matin ce thème qui est savoir se relever. Il y a des choses, des épreuves qui peuvent nous arriver ou des habitudes qui peuvent s'être installées dans nos vies et qui nous rendent comme assis. Alors attention, vous êtes bien sûr tous assis. Pas vous dire de rester debout, c'est pas ça. Mais on va voir que le fait d'être assis, spirituellement, peut noter certaines choses. Ce thème est venu cette semaine lorsque je regardais la parole. Et puis je me suis arrêté sur une parole sur laquelle je suis en train de méditer, qui est le livre de Samuel, notamment 1 Samuel. Et là, quasiment au tout début d'un Samuel, on a une femme qui intervient, qui s'appelle Anne. Et c'est une femme qui vit quelque part une épreuve, parce qu'elle est là, elle a été, et puis c'est la Bible qui le dit, hein, elle a été rendue stérile par Dieu. Dieu a permis qu'elle soit stérile. Mais à un moment donné, elle va prendre la décision de se lever. Juste de se lever. Et de cette action-là, ben, va naître le prophète, le juge, qui va s'appeler Samuel, qui va amener comme un réveil en fait en Israël. Et il y a des choses qui dans nos vies, je pense, doivent apprendre à se lever. Et pendant que je méditais ça, j'écoutais en même temps de la louange, et il y a vraiment à un moment donné, j'écoutais quelque chose, et à un moment donné où je lisais ce passage, il y a un chant que j'écoutais qui est en anglais, du groupe, je ne sais pas si vous connaissez, Jesus Culture. Et il y a un des leaders qui va chanter, qui chante en fait un chant qui parle de miracles, qui proclame que Dieu est encore le Dieu des miracles. Et juste avant qu'il chante ça, il raconte un témoignage disant que 2 ans avant, avec sa femme, ils ont perdu un enfant. Il y avait la grossesse qui était là. Et puis, alors, je ne sais pas, il y a vraiment à quelques moments, mais je crois que c'est vraiment quasiment à la fin de la grossesse, l'enfant meurt. Et là, ils sont bouleversés. Bouleversés, bien qu'ils avaient déjà 2 enfants, ils sont bouleversés, mais à un moment donné, quelque chose les a relevés. Saint-Esprit les a relevés. Et si bien que dans ce témoignage, en fait, il va dire, juste avant de chanter, il va dire, bien que cette épreuve quelque part arrive, bien que nos épreuves peuvent arriver, je crois encore que Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Et ça, c'est important de réaliser que dans peu importe les endroits que l'on peut vivre, les choses que l'on peut vivre, Dieu est le Dieu des miracles. J'aimerais commencer avec ce premier texte, dans 2 Samuel, chapitre 22. Si vous avez la Bible, vous pouvez prendre avec moi. 2 Samuel, chapitre 22. Et on va juste prendre 2 versets, qui sont les versets 33 à 34. C'est aussi un psaume qu'on retrouve. Donc là, pour bien situer le contexte, on se trouve quasiment à la fin de la vie de David, du roi David. On est quasiment à la fin de sa vie. Et il va chanter. C'est aussi, on retrouve cela aussi dans un psaume. Il va dire, donc 2 Samuel 22, 33-34, il va dire, « C'est Dieu qui est ma puissante forteresse. » Et qui me conduit dans une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Amen. Il me fait tenir debout. Et c'est étonnant que David dise ça, parce que lorsqu'on regarde en détail, et on va pas ce matin regarder en détail toute la vie de David, mais on va voir quelques moments particuliers. Mais lorsqu'on regarde la vie de David, ce n'est pas forcément une vie justement qui a été toute droite. Il y a eu des moments de difficulté, il est passé par la trahison, il est passé par lui-même, par le péché, il est passé par des moments difficiles. Et pourtant, il va proclamer à la fin de sa vie, par rapport à tout ce qui s'est passé, qu'il est celui, en parlant de Dieu, qui me fait tenir debout sur les hauteurs. Je me dis, quel témoignage. Et c'est non seulement un témoignage, mais c'est quelque chose qui doit nous frapper en disant, Seigneur, peu importe par quoi je peux passer, tu m'appelles à être debout. Amen. Tu m'appelles à vivre en étant debout sur les hauteurs. Et bien que je passe des fois par des moments difficiles, par des moments où peut-être l'ennemi va m'asseoir, tu es celui qui me permet d'être debout. Amen. Et ça, c'est important. La première chose que justement j'aimerais dire, c'est quoi être debout ? Ce matin, on va voir en fait trois points. D'abord, ça va être quelque part très simple, mais en même temps très révélateur. On va voir trois choses. Le fait d'être debout, le fait d'être assis et le fait de se lever. On va voir que ce sont trois choses, des fois toutes simples, mais dans lesquelles Dieu a vraiment de grandes choses à dire. Être debout. Être debout, littéralement, c'est le fait de rester, d'endurer, de maintenir, de subsister, de ne pas abandonner et de se tenir prêt. Tout ça, c'est comme des synonymes ou des éléments qui nous donnent le fait d'être debout. Lorsqu'on regarde le terme littéral, se maintenir, subsister, ne pas abandonner, surtout des fois ce dernier terme, ne pas abandonner. Des fois où on peut être proche de l'abandon. Mais la Bible aussi dit, concernant ce qu'on peut passer, que Dieu n'est pas celui qui brise le roseau qui est cassé. Amen. Ça, il faut le réaliser. Je peux être dans ma vie comme un roseau cassé, mais Dieu ne va pas briser. Dieu va tout faire justement pour relever le roseau. Amen. Et j'aimerais vraiment noter trois choses pour lesquelles on a besoin d'être debout. Et la première chose, c'est ce que va vivre Anne. Anne va devoir ou va vouloir être debout concernant un besoin personnel. On a ce passage qui nous dit « Anne se leva ». On a ça dans 1 Samuel 1. « Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Et elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Donc on voit Anne qui va se lever, qui va décider de prendre une position quelque part spirituelle qui est une position debout. Ce n'est pas tant la position physique qui compte, mais c'est la position spirituelle en disant « peu importe ce qu'il peut avoir, peu importe ce qui peut exister, je décide de me lever. Je prends la décision de me lever en disant, Seigneur, il n'y a aucune situation qui pourra m'empêcher d'aller dans la présence de Dieu pour réclamer un besoin personnel. » Amen. Et ça, c'est important des fois de se lever et pas juste de dire Dieu sait, Dieu sait. Non, Dieu nous veut aussi dans sa présence en disant, bien qu'il connaisse toute notre vie, il veut aussi entendre notre voix en disant, Seigneur, j'ai besoin de ça. Je vis ça, j'ai besoin de ça. Amen. Ça, c'est important de le réaliser. La deuxième chose, c'est pour le peuple. Pour le peuple. Littéralement, pour l'Église. On va voir par exemple un homme, justement, on a parlé tout à l'heure, David. David, au début de son, on va dire, de son ministère, il va se retrouver face à Goliath. Et le problème de Goliath, c'est que Goliath, il avait effrayé tout le monde. Lorsque David se présente face à Goliath, le peuple est où ? Ils sont cachés là, et puis il y a plein de trous là, mais c'est un peu là. Ils sont cachés là, ils sont cachés derrière, où ils peuvent. Mais dès que Goliath arrive, le peuple est effrayé. Et là, on voit un jeune homme qui n'a pour l'instant rien fait, il n'a pas fait d'acte de guerre, mais il va se retrouver debout face à Goliath. Debout face à Goliath. Et grâce à son courage, mais grâce surtout au fait qu'il comptait quoi ? Sur Dieu, celui qui est au-dessus de lui, celui qui est capable de faire, juste avec une seule pierre, Goliath, parti. Et je pensais aussi à une fille, une femme qu'on retrouve aussi dans la Bible, qui est Esther. Esther aussi, bien qu'elle ait une position privilégiée, c'était aussi une responsabilité. Lorsqu'elle va apprendre que il y a cet édit qui va vouloir tuer, enfin, un édit qui va vouloir perpréter, enfin, un meurtre pour tous les juifs, elle va décider à un moment donné de se lever et de se présenter debout devant le roi. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était une folie parce que c'était seul le roi qui disait « Je veux voir ma femme, par exemple. Voilà. Je veux que ma femme vienne. » Mais par contre, que la femme elle-même, que la reine se présente devant le roi, c'était une folie. Pourtant, elle l'a fait en disant « Je décide d'être debout. » Et il nous est dit clairement dans la parole qu'elle a trouvé et qu'elle a gagné sa faveur. Et je crois que ça nous montre aussi que on doit avoir dans nos vies aussi cette position debout, comme je disais tout à l'heure, pour nos besoins personnels, mais la deuxième chose, c'est aussi pour le peuple. Et ça, ça nous parle d'une chose, qui est l'intercession. Le fait de dire « Seigneur, je veux apprendre à prier pour le peuple. Je veux apprendre non seulement à prier pour ma part, mais je veux apprendre aussi à être debout pour peut-être celui qui est à côté de moi et qui n'est pas bien. » Amen. Je veux apprendre à être debout pour celui qui peut être fortifié. Dieu peut fortifier, mais je peux être aussi un instrument. J'aime bien étudier la parole et souvent dans la parole, il y a des images qui sont très fortes. Et une des images qui est forte, c'est que souvent le chrétien est comparé à un arbre qui porte du fruit. Et dans les spécificités de l'arbre, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est impressionnant, les racines de l'arbre, qui représentent la vie de l'arbre, et ça représente notre vie intérieure avec Dieu, ça représente notre relation avec Dieu, ben lorsque les racines d'un arbre sont fortes, elles sont capables d'aller fortifier, et ça c'est la nature qui le prouve, hein. C'est pas écrit dans la Bible, mais c'est vraiment la nature qui le prouve. Les racines fortes sont capables d'aller fortifier les racines qui sont faibles d'un arbre qui est à côté. Amen. Donc par ma prière, par le fait que je sois là à littéralement intercéder, je peux aider celui qui est fatigué à mes côtés. Amen. Et je peux aussi être debout pour littéralement être un instrument. Et là, ça nous parle de, par exemple, deux personnes, l'apôtre Pierre, et justement, on va parler après de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre nous a dit, acte 2, 14, « Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une foi forte en ces termes, homme de Judée, et vous tous qui séjournez, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » On a un Pierre qui, on verra après, qui a vécu des difficultés, mais Pierre qui va se présenter debout, devant un peuple qui n'est pas converti et qui va amener, rien que par une prédication, 3000 âmes. Ça, c'est toujours le rêve de tous les pasteurs, tous les prédicateurs. Mais n'empêche que chacun de nous sommes des instruments. Pierre, c'est l'exemple du ministère, mais on a aussi dans la Bible un exemple qui me frappe toujours, c'est l'exemple de Néhémie. Néhémie, lui aussi, va choisir à un moment donné de se lever. Et pourtant, Néhémie, il était pas dans le peuple, il était pas dans le pays, en tout cas d'Israël. Il était exilé, il était loin. Et pourtant, lorsqu'il va apprendre que les murailles de Jérusalem sont détruites, il va décider de jeûner, de prier et de dire « Je vais me lever. Je vais me lever pour construire la muraille. » Et ça nous parle aussi du fait qu'on est chacun de nous appelé à être des instruments. La Bible va donner cette image en disant que chacun de nous, on est appelé à être une pierre vivante. C'est-à-dire pas une pierre morte, mais une pierre vivante. C'est-à-dire une pierre qui va amener une construction. La base étant, oui, la pierre angulaire qui est Jésus. Mais chacun d'entre nous, on a un rôle. Chacun de nous, on a une responsabilité pour la construction de l'Église. Et la construction de l'Église passe par le fait d'être un instrument en dehors. D'être quelqu'un qui va prier pour les autres. D'être quelqu'un qui va être capable d'apporter des paroles de consolation. Des paroles de sagesse. Ça, c'est notre devoir. Amen. Donc il y a dans ces trois choses, et je les répète parce que c'est vraiment très important de les avoir, le fait d'être debout. Le fait d'être debout. Pour des besoins personnels, pour le peuple, mais aussi pour être un instrument. Pour que son église grandisse. Maintenant, j'aimerais passer à la suite qui est le fait d'être assis. Pourquoi ? Parce que on peut être debout, oui, mais des situations, des choses peuvent arriver dans nos vies et qui nous mettent dans une position où, du coup, on est assis. Assis, c'est quelque part rester, avoir une place, habiter. Et la première chose qui peut nous obliger à être assis, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Et là, je vais parler d'Élie. Élie, pas Élie, mais Élie, celui qu'on trouve dans l'histoire d'Anne. Et si je reprends juste le passage que j'ai lu tout à l'heure, donc il nous a dit « Anne se leva ». Et là, on va voir vraiment un contraste. Anne se leva. Et juste après, le prêtre Élie, lui, il était assis sur son siège. Et c'est toute une mentalité, parce qu'on va voir que Élie, après, va carrément disparaître de la circulation. Il va même d'ailleurs mourir sur son siège en apprenant le fait que le trésor, en tout cas le trésor, c'est-à-dire la partie qui était dans le lieu très saint, est partie, a été volée. Il va tomber en arrière et mourir. Et ça nous parle d'une chose qui est importante, c'est l'habitude. Il y a des fois, et ça doit nous frapper chacun d'entre nous, on peut très rapidement des fois tomber dans l'habitude, les traditions, la religiosité, et se dire finalement je prends une position qui est assise, mais aussi quelque part je me suis assis dans ce que je suis, je me suis assis dans ce que je vis, je me suis assis dans ce que sont mes pensées. Et finalement, lorsque vient une parole de Dieu, lorsque vient même le fait de pouvoir le servir, de pouvoir me lever, finalement, je reste assis. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit faire attention. En disant, Seigneur, que je puisse toujours avoir cette soif d'être debout. Cette soif de me lever. Et encore une fois, ce n'est pas une position, je ne parle pas de position physique, mais bien de position spirituelle. Quelqu'un peut être assis physiquement, mais avoir cette soif. On peut aussi être debout et ne pas avoir soif. Mais on a cette position où, dans nos vies, on peut passer par des épreuves, mais on peut passer aussi par l'habitude, comme Élie. Et Élie, c'est terrible, parce que même malgré le fait qu'il servait, parce qu'il était prêtre, il était prêtre à l'époque, malgré le fait qu'il servait, dans sa vie, il n'y avait plus cette soif. Et du coup, la conséquence, et la Bible le dit clairement à ce niveau-là, c'est que la parole de l'Éternel était rare. Mais pourquoi ? Parce que la parole de l'Éternel, c'est aussi à nous de la chercher en disant « Seigneur, je veux être debout et je veux avoir soif. » Jésus, lorsqu'il va se présenter le dernier jour de la fête, il va dire que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. On doit apprendre à dire « Seigneur, je veux aller dans ta présence pour boire tes paroles. » Et pas juste attendre à avoir une parole, non. Je veux avoir soif de toi. Je veux avoir cette soif d'apprendre plus de toi. Cette soif de grandir. Et même si des choses ont enlevé cette soif, Dieu est capable de m'emmener dans le désert et de me renouveler. Amen. La deuxième chose qui nous pousse à être assis, c'est le découragement. Je parlais tout à l'heure de Goliath. C'est ce qu'a vécu pour le coup le peuple avec Goliath. Le peuple avec Goliath a été totalement découragé. Ce qui fait que du coup, ils se cachaient partout. Ils ne savaient pas où se mettre. Ils étaient complètement découragés. Un autre exemple aussi, Pierre qui se retrouve découragé aussi une fois qu'il a renié Jésus, une fois qu'il a fait cet acte qu'il l'a comme détruit. Alors on voit le Pierre avant le reniement, c'est un Pierre fougueux, c'est un Pierre qui est là à dire mais peu importe ce qui va t'arriver, je serai là. Et puis mais cette chose t'arrivera pas. Il est prêt à dégainer l'épée, à couper l'oreille. Ça c'est Pierre. Mais juste après, on retrouve un Pierre qui nous dit, et qui nous est dit notamment aussi dans Matthieu 26, Pierre était assis. Et ça, c'est terrible de retrouver un Pierre qui est si fougueux, un Pierre qui finalement est assis. Et ça me parle de ça, le découragement. Découragement face à nos défis. Découragement face à des situations qui nous semblent impossibles. Et en soi, le découragement n'est pas mal. Mais le fait, par contre, de rester dans le découragement, ça peut être un piège. Mon âme peut être découragée, mais je dois apprendre à puiser en l'Éternel. Je dois apprendre à puiser dans cette eau vive qu'il me donne. Si mon âme, elle est asséchée, ça peut arriver, j'ai une source d'eau vive qui est accessible. Amen. Une source d'eau vive à laquelle je peux venir puiser tous les jours. Maintenant, la décision d'aller puiser, c'est à moi de la prendre. Dieu ne peut pas la prendre à ma place. C'est à moi de dire, Seigneur, je veux puiser dans ton eau. Je veux apprendre à me relever. Je ne veux pas rester assis sur des positions peut-être que j'ai, mais Seigneur, je veux me lever avec toi. je me levais avec toi. Et la troisième chose qui nous permet, qui nous pousse à peut-être être assis, c'est aussi, et bien sûr il ne faut pas le négliger, c'est le péché. C'est le péché. Et là, je veux parler de David. David, à un moment donné, c'est le guerrier, celui qui allait tout le temps en guerre, celui qui était justement le guerrier victorieux. Et pourtant, le seul moment de faiblesse qu'il va avoir, c'est lorsque justement il va décider de ne pas aller à la guerre. Et le jour où il n'est pas allé à la guerre, en tout cas un des jours où il n'est pas allé à la guerre, c'est ce jour-là il va coucher avec une femme, Bathsheba. Il a péché. Femme qui était mariée. Et il va décider de faire cet acte. Et qui était un acte vraiment de désobéissance envers Dieu. Dieu a puni. Dieu a fait grâce par la suite. Mais on retrouve un David qui était tout vaillant et qui se retrouve comme littéralement aussi assis. Plus à la guerre, mais finalement en train de regarder vers le bas. En train d'être empreint de sentiments qui n'étaient pas des bons sentiments. Et là aussi, le péché peut nous asseoir. C'est vrai. Mais là aussi, Dieu est celui qui pardonne. Amen. Dieu est celui qui pardonne, celui qui vient à lui humblement. Et il y a des fois où un des pièges du péché, c'est derrière ce qui s'appelle la culpabilité. Oui, je dois réaliser que le péché n'est pas bien. Ça, c'est vrai. Mais je dois réaliser que Dieu est celui qui me relève. Si je reste dans ma vie dans cette culpabilité en disant ben, « j'ai péché », et puis que tout le reste de ma vie, je suis là à me dire ben, « je ne ferai rien puisque de toute façon j'ai péché », c'est dommage. Parce qu'on voit justement ce même David, bien qu'il ait fait cet acte, ça n'a pas été la fin de sa vie. Heureusement. Pourquoi ? Parce qu'il va se relever en disant « je prends appui sur toi ». Et il va écrire ce magnifique psaume 51 où il va s'humilier devant Dieu, mais il va dire aussi « cette chose-là qui doit être notre cri, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Crée en moi quelque chose de nouveau. » Et j'aimerais continuer et finir en parlant du fait justement de se lever ou de se relever. Des fois où on a des positions à avoir. Et j'aimerais reparler notamment de Pierre. Pierre va vivre un réel changement entre deux situations. On retrouve, comme je disais tout à l'heure, Pierre qui était assis alors qu'il a renié Jésus. On voit Pierre assis dehors dans la cour, Matthieu 26. Et acte 2-4, qui ne se situe pas si loin que ça de ce passage, acte 2 nous dit Pierre debout avec les 11 apôtres. Comment Pierre est passé d'une position assise à debout ? Bon, bien sûr, la solution est simple, il s'est levé, c'est vrai. Mais spirituellement, il était assis, découragé, il était anéanti. Il a même fait jusqu'à reprendre son ancien métier qui était pêcheur. Mais Dieu va le relever. Et le changement, il a eu lieu notamment dans Jean 21, où Jésus, alors qu'il est ressuscité, va revenir, va parler et va prendre à part Pierre justement et va lui dire à trois reprises « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? » Et là, Pierre va être tout balbutiant en disant « Oui, tu sais que je t'aime. » Et je pense que c'était pas le Pierre d'il y a quelques chapitres d'avant qui là brandissait l'épée en disant « Oui, je t'aime, peu importe. » Non, c'était tout penaud, on pourrait dire, qui disait « Mais oui, je t'aime. » Et ce qu'il voyait là-dedans, ce que Dieu voyait là-dedans, c'était la sincérité. Disant « Oui, j'ai fait cette chose-là, mais je t'aime. » Et ça, c'est une des armes, une des choses qui doit justement nous permettre de nous lever. En disant que ce qui compte pour Dieu, c'est une relation de cœur. Et bien que je passe par des moments où je suis assis, Dieu est celui qui voit mon cœur. Il est aussi celui qui voit mon cœur qui est sincère en disant « je reviens ». Je reviens vers Dieu. Et mon cœur il est sincère en disant « Seigneur, je t'aime ». Et bien que je sois assis, tu es celui qui peut justement me relever. Ce que Dieu ne veut pas, c'est un cœur qui finalement se ferme, un cœur qui est dur, un cœur qu'il ne peut pas atteindre. mais justement un cœur qui va s'ouvrir. Ça va être un cœur que Dieu va pouvoir toucher. Un cœur qui revient sincèrement vers Dieu, c'est ce qu'il désire. C'est la même chose que David va faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le psaume 51 qui va être cette clé. Et dans ce psaume 51, il va dire « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je reconnais que mon cœur n'est pas bon. Mais crée en moi un cœur pur. Remets en moi un esprit, renouvelle un esprit bien disposé. » Et ça, c'est la chose qui doit nous permettre de réaliser que Dieu a placé en nous le Saint-Esprit. Dieu a placé en nous le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir aussi cette relation de cœur à cœur avec Dieu. Et ça, c'est important de réaliser pour chacun d'entre nous qu'il y a comme une décision de dire, bah, tiens, peu importe par quel moment je passe, le Saint-Esprit qui est en moi, il est capable de me renouveler. Il est capable de me relever. Peu importe par la peine, même la douleur par laquelle je peux passer, je peux être relevé par lui. Amen. Et j'aimerais terminer avec ce passage, on va le prendre ensemble, parce que c'est un des passages qui est aussi très important. Un des passages qui nous parle d'un prophète, le prophète Ézéchiel, et qui va donner une image qui est assez forte concernant des ossements desséchés. C'est dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, et à partir du verset 1. Donc c'est donné généralement comme étant la vallée des ossements, c'est une vision qui est à l'époque pour le peuple d'Israël, mais cette vision elle est aussi pour chacun d'entre nous. Ézéchiel 37, et à partir du verset 1, où il est dit « La main de l'Éternel reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur Éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os. Tu leur annonceras. » Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement. C'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser, la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Et il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux, ils ont repris vie, et notez bien, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. Amen. Là, on trouve ce passage qui est vraiment un passage fort et qui doit nous parler en voir deux choses. La première chose qui va faire une première prophétie en disant, je vais faire entrer un esprit en vous. Je vous ferai des nerfs, de la chair, de peau. Vous aurez un esprit et vous vivrez. Ça, c'est ce que Dieu a fait en nous lorsqu'il nous a permis de s'approcher de lui. De faire de nous une nouvelle créature. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Nous sommes, j'espère que vous le savez, une nouvelle créature en Dieu. Amen. Avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Simplement, le fait d'avoir ça n'a pas suffi parce qu'il est dit que bien qu'ils aient eu de la chair, bien qu'ils aient eu de la peau, ils étaient quand même morts. Ça nous parle de la situation où même en étant né de nouveau, il y a des moments où dans ma vie, je peux être comme mort. Je peux être comme assis. Je peux être comme spirituellement mort à cause des différents points qu'on a pu voir. Maintenant, Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise en disant « Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Et c'est à ce moment-là où se sont tenus sur leurs pieds. Et on a besoin de réaliser que on a besoin du Saint-Esprit. Amen. On a besoin d'un souffle nouveau de l'Esprit en disant « Viens souffler sur nos vies pour que nos os, pour ce que notre vie, ce qui peut arriver dans notre vie, puisse revivre. » Et je reviens à ce que j'ai dit au départ, « Se lever ». Et lorsqu'on regarde le mot « se lever », c'est des fois important de regarder même dans l'hébreu, dans le texte original. Et se lever, ça veut dire aussi renaître, ressusciter, supporter, construire et devenir puissant. Ces choses-là nous sont accessibles par le Saint-Esprit. Amen. Il y a des choses qu'on doit réaliser. Souvent, on néglige la part de l'Esprit. Mais peu importe la vie que l'on peut avoir, peu importe les épreuves par lesquelles on peut passer, Dieu est celui qui est capable de me fortifier. Je me rappelle l'apôtre Paul qui disait « J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre même dans la famine. Pourquoi ?» Il disait pas ça pour dire « Voilà, peu importe la situation, voilà, ben je fais avec. L'air désespéré. » Non, il disait ça parce qu'il disait « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et ça m'appelle... Pour ma part, et pour notre part avec ma femme et avec nos enfants, on a vécu quelques années, ces dernières années, assez difficiles, notamment aussi au niveau financier. Donc ma femme avait un diplôme au niveau commerce, commençait à travailler, et puis elle a été licenciée, mais c'était le plan de Dieu. C'était une grâce, on était content, on était les seuls à être contents d'être licenciés. C'est une bonne chose. Et Dieu a permis de rentrer dans une formation, mais une formation, voilà, 3 ans assis pour devenir assistante sociale. Et c'était quelque chose de long, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'aide, il y avait une petite aide qui était là. Mais ça a été des moments durs, des moments difficiles, des moments où peut-être même des fois on a dû se priver. Mais il y avait dans notre cœur une joie. C'est qu'on savait que ces 3 ans amenaient à quelque chose qui... Et même si on ne le voit pas encore, qui amène du fruit. Parce qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu. Et bien que les choses extérieures, et ça c'est un passage aussi de la Bible qui le dit, même si l'extérieur semble des fois se détruire, ce qui est à l'intérieur de nous grandit. Amen. Ce qui est à l'intérieur de nous grandit. Et ce qui est à l'intérieur de nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si mon extérieur est détruit, mais que mon intérieur aussi est détruit, ça, je me dis, Seigneur, c'est pas la bonne chose. Mais si mon extérieur se détruit, mais que mon intérieur prend de la place, alors peu importe ce qui peut arriver, je serai debout. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et pour moi, c'est vraiment comme une parole de Dieu. Je sais pas comment. Combien de personnes? Ça peut peut-être concerner qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette parole qui est là en me disant, et lorsque j'ai réfléchi à ça, je me dis, il y a des personnes qui, voilà, parmi nous, sont comme spirituellement assis. Hein, par rapport aux différentes choses qu'on a pu donner, ça peut être un découragement, ça peut être le péché, ça peut être aussi l'habitude. Dieu est celui qui est capable, et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu est celui qui est capable de te relever. Maintenant, le choix, c'est à toi de le faire. J'aime ce passage qu'on a lu d'Ézéchiel, mais j'aime surtout une chose. C'est que ce n'est pas Dieu qui a prié. Mais Dieu va dire à Ézéchiel, c'est toi qui vas parler. J'ai envie de dire une chose, c'est que par rapport à ça, par rapport à la situation où tu vis, comme Anne a dû le faire, Anne s'est levée. C'est à toi de dire, Seigneur, je veux me relever par ta force. C'est à toi de prendre cette décision et même de prier en disant, Seigneur, je veux ton souffle nouveau. Je veux sur ma vie ce souffle qui me permet de me relever. Amen. Et on va prier ensemble par rapport à ça. Mais j'aimerais juste, pour ceux peut-être que ça peut voilà, concerner, alors qu'on a tous vraiment les yeux fermés, simplement là où tu es, Si tu as besoin de ce souffle nouveau, si tu as besoin de dire dans telle situation, dans telle chose que je vis, j'ai besoin de me relever. Simplement là où tu es, tu as simplement levé la main. Simplement levé la main. Et Dieu est celui qui voit cette main levée. Et plus que cette main levée, il va aussi voir et entendre de ta bouche ce souffle nouveau dont tu as besoin. Alléluia. Donc j'aimerais vraiment t'inviter là où tu es, simplement prier, ouvrir la bouche et dire: Seigneur, dans telle situation, dans telle chose que je vis, viens souffler par ton esprit. Et on va aussi s'unir dans l'église pour prier par rapport à ces différentes mains levées en disant: Seigneur, tu viens agir. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que même si des situations sont là pour nous asseoir, toi Seigneur, tu nous donnes Seigneur d'avoir ce souffle nouveau. Merci Seigneur, parce que ton esprit Seigneur, même si l'extérieur semble se détruire, Seigneur, ce qui est à l'intérieur de nous peut grandir, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre espoir. Seigneur, comme on a pu le lire dans ce passage, ils ont reconnu, le peuple d'Israël a reconnu qu'ils étaient comme dans le désespoir. Seigneur, moi je veux, Seigneur, vraiment attacher mon espoir en toi. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Tu vois, Seigneur, encore les mains, Seigneur, qui sont levées. Les mains, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de cet espoir nouveau. De se relever, Seigneur, encore. Je te prie, Seigneur, que dès maintenant, tu viennes souffler dans leur cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tout, Seigneur, ce qu'il aimait comme assis, Seigneur, vienne, Seigneur, être enlevé, Seigneur, et que tu leur permettes de se relever, Seigneur. Que rien ne puisse empêcher, Seigneur, ton esprit, Seigneur, de souffler. Que rien ne puisse empêcher, Seigneur, ton esprit de venir renouveler. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous permets, Seigneur, pour chacun, Seigneur, d'être debout. Même si les difficultés sont là, même si peut-être, Seigneur, les traditions sont là, Seigneur, tu nous permets d'être debout devant toi et de pouvoir te demander, Seigneur, vraiment avec cette soif nouvelle, viens renouveler, Seigneur. Viens nous renouveler, Seigneur, encore pour nos vies personnelles, pour nos besoins personnels, Seigneur, pour aussi, Seigneur, le peuple, Seigneur, qui est là, pour, Seigneur, aussi cette ville, Seigneur, qui est là aussi à Thiers, Seigneur, pour vraiment les âmes qui sont là, Seigneur, permets à chacun d'être nous, d'être, Seigneur, ces instruments aussi puissants qui sont debout pour proclamer ta parole, Seigneur. Vraiment, merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et que vraiment, pour ceux qui ont levé la main, tu puisses réaliser que c'est pas juste un temps, mais Dieu veut renouveler chaque jour. Dieu veut te renouveler chaque jour. Et Dieu veut vraiment te voir chaque jour aussi simplement dans ta présence. Non pas comme quelque chose de subi, mais comme une joie de se retrouver vers celui qui restaure, vers celui qui rassasie, vers celui qui est capable de te donner une vie nouvelle, une vision nouvelle même sur ce que tu vis. Et vraiment que tu puisses garder cette espérance, même s'il y a des eaux qui se détruisent, même s'il y a des eaux, des choses qui se détruisent, Dieu est celui qui te renouvelle. Amen. Amen.